bon courage pour lever le ciel. Surveillez à l'instant même, quelque part la liberté. Le regard actuel sur la seule pensée qui fait que nous ne sommes pas prisonniers de l'économie du marché, de la toile à l'araignée. Les Martiens sont partis en nous laissant seul au monde. Et si l'on est seul dans l'univers, pourquoi sauver le roi? Et même s'il y a mieux à faire, rester avec toi me semble le meilleur choix. Levez les yeux au ciel en réception des ondes. Chacun dans son bout de terrain désuni à croire que la peur inonde. Chacun dans son bout de terrain désuni à croire que la peur inonde. Pourquoi les Martiens sont partis en nous laissant seuls au monde? Et si on est seul dans l'univers, sauver le roi? Et même si il y a mieux à faire, je reste avec toi le son du feu. Levez les yeux au ciel en réception des ondes. Dans son bout de terrain des